Vous pensez que Canadian Tire, c'est des outils, de la quincaillerie, de la peinture, du saisonnier. Mais nous avons aussi une multitude d'équipements sportifs offerts à très bon prix. Surveillez notre circulaire tous les jeudis pour en savoir davantage. Canadian Tire, commanditaire de l'équipe olympique canadienne. 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini. 418-276-2385 ou canadiantire.ca. Le propriétaire Ken Bennett souhaite la meilleure des chances à Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette aux Jeux olympiques de Pyeongchang. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien aimerait souhaiter à Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette de Saint-Félicien la meilleure des chances pour les Jeux de Pyeongchang. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien est un employeur important dans le comté puisqu'il possède des chargeurs de bois. Les bureaux de la coopérative de camionnage de Saint-Félicien, situés au 905 Boulevard Amel, numéro de téléphone 418-679-4194. On va parler de hockey, de la Ligue junior régionale et midget régionale. On va en parler avec notre ami Guy Saint-Gelais, comme on le fait toutes les fins de semaine. Salut Guy! Salut Danny! Guy, avant, je viens d'avoir les informations qui s'est passé un coup quand même. Ce qu'on peut voir comme information, c'est un coup assez vicieux entre l'AB et les Seigneurs de Chicoutimi. Ça s'est passé dans le midget 2B. Vincent Villeneuve a blessé Alex Gagné. On dit que dans le cas de Gagné, il a subi la fracture de la clavicule et sa saison serait terminée. Puis on n'aurait qu'un seul match dans le cas de Gagné, comme de Villeneuve dans le cas de suspension. Est-ce que c'est vrai ça? Ben oui, c'est produit quelque chose, Danny. Est-ce que c'est un coup ici ou pas, je peux pas te le confirmer, j'étais pas présent. OK. Qu'est-ce que je peux dire, c'est que automatiquement la pénalité qui était descendue à Villeneuve, c'est deux matchs minimum automatiques. Okay. Et présentement, son cas est en analyse. Ça fait que je peux pas te dire s'il va en avoir de plus ou comment c'est arrivé. Les autorités qui sont en place vont analyser toutes les données des deux côtés. Et puis une décision va être rendue là, au cours de la semaine. OK. Donc, c'est un cas... J'espère au moins que si c'est vrai, les informations que j'ai obtenues, c'est plus que deux matchs, parce que ce qu'on dit, c'est que sa saison s'est terminée du côté d'Alex Gagné. Ouais, ça, j'en suis très conscient, Danny, mais comme je te dis, on ne sait pas comment c'est arrivé. Malheureusement, quand les matchs ne sont pas filmés, c'est parole contre parole, là, plus le rapport de l'arbitre. Okay. Fait que dans des situations comme ça, peu importe le calibre de jeu, quand les matchs sont pas filmés, le rapport de l'arbitre là devient très très très important. Fait que c'est tout dépendant de ce que l'arbitre va avoir écrit dans son rapport là, faut pas blâmer X ou Y pour les décisions qui vont être rendues. Faut toujours dire que ça dépend du rapport de l'arbitre. C'était normalement le mieux placé pour le voir. Il a puni quand même assez sévèrement là. Le jeune du National de la Baie avec un 5 minutes pour coup à la tête qui entraîne automatiquement deux matchs de suspension. Et pour la suite des choses, ben comme je te dis, ça, on va voir qu'est-ce qui est écrit dans le rapport, puis les autorités en place prendront les décisions nécessaires. OK. Dis-moi, est-ce que c'est vrai, j'ai entendu dire que je vais avoir ta confirmation, que la Baie, c'est dans le midget, ça joue dur. C'est dur à dire, Danny. Je les ai vus une fois la baie dans le midget cette année. Là, vraiment un match complet. Puis, je veux dire, ça joue dur. Hockey Québec a enlevé la mise en échec pendant deux ou trois ans, la remet. Ça fait que les jeunes ont-ils été bien préparés, mal préparés. Puis ça, je te dis que c'est à grandeur de la province. Là. Okay. Parce que la première moitié de saison a été très, très, très difficile. Point de vue punition, suspension. Tous les entraîneurs ont été rencontrés par la Fédération de hockey Québec et le responsable des officiels au début janvier. Et depuis ce temps-là, il y a une grosse, grosse amélioration au point de vue midget 2B dans notre ligue. Là, je pense que certains entraîneurs ont compris certains règlements qui avaient possiblement mal été compris ou mal expliqués en début de saison. Là. OK. Mais donc, pour dire qu'une équipe joue plus robuste que l'autre, j'ai de la difficulté à dire ça, là, parce que c'est plus puni probablement, Mais je veux dire, plus physique ou plus salaud, ça, je suis pas certain. OK. Parce que des coups salauds, ben, salauds entre guillemets, toujours, Danny, là. Si on écoute les entraîneurs, on a tous les matchs, là. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais Okay, mais des coups comme c'est produit en fin de semaine. Ben, quand je vois les images, ça, là, puis c'est pas beau, là. On le voit, là, ça ben, sent. Ça, Danny, je les ai pas vus. Fait ouais, que t'as, t'as un avantage sur moi présentement, là. En tout cas, ça ressemble à ce que. À ce que j'ai vu, ce que je convois là, que la saison est terminée. En tout cas, on espère que le jeune va s'en remettre. Guy, puisqu'on est dans le midget, il y avait le tournoi du centre de formation professionnelle ici, ça a été gagné par le Marco Spa. Oui, le Marco Spa, ben, trois tournois en trois. Au POC, ça va être fort, ça? Oui, je n'ai pas été voir aujourd'hui, là, parce que les mises à jour se font beaucoup le lundi. Je n'ai pas été voir le classement POC aujourd'hui. Mais oui, il est certain que l'équipe de Jason La Jeunesse là, connaît toute qu'une saison. C'est très payant, hein? Quand tu gagnes un tournoi, là, c'est très, très payant. On va dire en oui, affaire. J'ai vu les castors. J'ai vu les castors qui ont gagné à Beauport récemment. Puis ils ont monté très vite. Là. Ils ont monté, je pense, de 15 places. Là, le Marco Spa ne monte pas beaucoup parce qu'ils sont troisième, là. Mais ça. C'est les équipes qui sont plus bas, classées provincialement. Vont monter plus vite lors d'un succès. La même affaire avec les Orioles de Jonquière qui ont gagné un tournoi à Laval. Il y a deux semaines, ont beaucoup monté au classement à POC. Puis, tu sais, Danny, quand tu te frottes aux autres équipes de la province, là, c'est ça qui est payant. Oui, effectivement, effectivement. Donc, on va surveiller ça de très, très près. Junior Original, tu veux me parler des Marquis de Jonquière qui ont remporté le tournoi en fin de semaine? Non, ils ont remporté le championnat de la saison. Oui, remporté la saison, excusez-moi. Les Marquis, avec leur victoire d'hier contre Roberval, s'assuraient du même coup du championnat de la saison régulière pour une autre saison, la deuxième consécutive, mais la Xème en 10 ans. Je ne peux pas dire le nombre exact. C'est une bonne exact, organisation, là, Marquis. C'est comme les Épervilles normandais. Ben, c'est des bonnes organisations du Géant. Ben, dans le junior, je te dirais, Danny, qu'on a, à part les petits problèmes qu'il y a eu à Alma, mais à Roberval, c'est surtout des problèmes de joueurs. Là. Ouais, mais je veux t'en parler de Roberval aussi. Oui, mais je veux dire, on a des bonnes organisations. L'avantage de Jonquière et Normandin, c'est que ça fait plusieurs années que c'est les mêmes personnes. Mmh. Fait que ça aide énormément. Là, oh, ouais. À Chicoutimi, là, un gars comme Steve Bossé, là, c'est sa cinquième année cette année. Donc, ça paraît, là, ça commence à payer aussi. Là. Ouais, effectivement. Hey, je veux te parler du chemin des sables de Roberval. Michel oui. Tifo a sorti une nouvelle que j'ai repris. Est-ce que c'est vrai que c'est terminé à la fin de la saison? Ben, je veux dire, terminé. Chaque équipe a jusqu'à la mi-juin pour mi-juin ou fin juin, là, j'ai pas la date exacte, pour confirmer leur retour l'an prochain. Ça fait que je pourrais te dire que... Y a-t-il une volonté de poursuivre du côté de l'organisation? Tu dois savoir un peu. De l'organisation présente, je peux pas te dire. Okay. Je sais qu'il y a des personnes intéressées à prendre la relève si eux ne restent pas. OK. Mais, tu sais, je veux dire, des oui-dire en fin de semaine, j'en ai entendu beaucoup. Là. J'ai même entendu que Roberval, c'était à la fin de la saison, puis il fusionnait avec Alma. Oui, c'est ça qui est sorti. Dans le junior, c'est pas comme ça que ça marche. Là. Il est sorti, c'est demain que ça a sorti. Ouais, tu peux pas fusionner avec une autre équipe. Ton territoire devient vacant, et c'est la fédération qui décide de quoi en devient le territoire. Mm. Il peut rester libre à toutes les équipes, il peut être séparé en deux, en trois, il peut être donné à une organisation, ce qui me surprendrait énormément, là. Je ne penserais pas qu'une organisation va être privilégiée point de vue avec la perte d'un autre. Là. Okay. Mais fusionner comme ça l'a été écrit, là, je suis juste à 99,999, là, c'est impossible. Ben moi, ce qu'on entend, encore une fois, oui, c'est vas-y. Des rumeurs, Guy. Ce qu'on entend, c'est que Roberval, et pas Roberval, Normandin et Alma voudraient qu'il y ait seulement deux équipes au Lac-Saint-Jean. Est-ce que tu as entendu ça? Oh, j'ai entendu la rumeur. Ouais, okay. Comme toi, je l'ai entendu. Je l'ai vu sur certains réseaux sociaux. Okay. Puis les réseaux sociaux, ben c'est bon et pas bon en même temps, là. Parce qu'on sait jamais qui écrit quoi quand tu connais pas personne. Là. Ouais. Mais j'ai entendu ce oui dire que j'ai aucunement vérifié aujourd'hui. Comme je te dis, aujourd'hui, ma journée a été à recadrer les statistiques là, dans le junior, étant donné qu'on a eu un énorme bug là en fin de la semaine dernière, c'est que je suis en train de tout recadrer les statistiques individuelles du junior. Fait que j'ai pas eu le temps de vérifier certaines rumeurs, là. Mais certain que ça fait plusieurs années que le Lac-Saint-Jean va avoir deux équipes là, au Lac-Saint-Jean. Ouais. Comme je te dis, c'est pas comme ça que ça fonctionne, malheureusement ou heureusement, là, pour certains clubs. C'est la Fédé, parce que, tu sais, on fait partie de chaque équipe fait partie de la fédération. Donc, le dernier mot revient à la fédération. C'est pas comme une ligue provinciale où que chaque équipe a sa franchise. Là. Nous, en étant une ligue régionale, on doit absolument faire affaire avec la fédération régionale. Donc, le dernier mot, même si la ligue décide, mettons qu'il y a trois équipes l'an prochain, si la fédération décide qu'il y en a cinq, ben, il va en avoir cinq. OK. Ben, il y a autre chose à ajouter à Tant que les dates ne sont pas passées, là, puis l'Assemblée générale de Hockey Québec n'est pas passée, là, tout peut arriver comme rien ne peut changer. OK. Donc, y a-t-il d'autres choses à ajouter peut-être en terminant? Ben, en terminant, c'est la dernière semaine d'activité là, du côté du Junior 2A. OK. Donc, à compter du 26. Oui, déjà. Ouais. À compter du 26, là, ça va être le début des séries pour le Junior 2A avec une série 4 contre 5 qui va être Alma-Robertval. Ça, c'est réglé. Mais qui va finir 4, qui va finir 5, ça, c'est pas réglé encore, par exemple. Okay. Parce que tu as 5 points d'avance Alma sur Robertval, mais Robertval ont deux matchs en main. Donc, on pourrait reprendre ces 5 points-là en remportant là, les deux matchs là, ce week-end. Là. Robertval, là, en reste 4. Mercredi à Normandin, vendredi, samedi à Robertval et dimanche à Chicoutimi. OK. Ça fait que c'est une grosse fin de saison pour les Sables là, qui les attend. Bon. Ben, merci beaucoup. Fait qu'on se reparle la semaine prochaine, Guy. Il n'y a pas de problème? Oui, merci, Danny. À toi. Fait que c'est la chronique de la Ligue JMS avec Guy Saint-Gelais.